De qui parlerez-vous demain? C'est la chance au coureur. Bonjour et bienvenue à La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Mon nom est Mathieu Plante, allô! Cette semaine à l'émission, on va entendre, entre autres, du côté francophone, Benoît Morel, Jeanne Balibar, Guilhem Avellan, les frères Goyette, TTC et Gervais. Ça va être excellent. Du côté anglophone, on a aussi un paquet d'affaires, j'en parlerai plus tard. Cette première heure est presque complètement francophone. Et puis, on va passer de bons moments avec vous à découvrir cette nouvelle musique, à les critiquer, les analyser, les décortiquer, faire tout ce qu'on fait avec à chaque semaine depuis 2 ans et demi. Mais on commence tout de suite, comme à l'habitude, par les singles. Voici une pièce qui sort d'un album de Gervais. Donc, l'homme s'appelle Gervais, qui va sortir le 22 janvier. C'est ça, dont le premier extrait est sorti le 22 janvier. L'album va paraître au printemps 2007. Voilà. La pièce s'appelle Le Psy. On l'écoute et on en parle au retour à La Chance au coureur. Ton psy te l'a dit, c'est juste la fatigue. La machine est fatiguée. Mais il faut pas lâcher, mon vieux. J'ai pour toi ce qu'il y a de mieux. Une petite pilule pour te remonter, histoire que tu retournes travailler. Depuis ce temps, les gens sont fatigués. Tout le monde court après le temps, puis tout le monde est stressé tout le temps. C'est normal que tu pleures. C'est normal que t'aies peur. Tu ne dois pas te décourager. Moi j'ai quelque chose qui te fera foncer. Un petit remontant pour avaler, pour que tu retrouves ton goût de gagner. Et depuis ce temps les gens sont fatigués. Tout le monde court après le temps, puis tout le monde est stressé. Gervais avec l'extrait Le Psy d'un album qui devrait sortir au printemps 2007. Ici à La Chance au Coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Parlons un petit peu de ce Gervais qui est situé au gervais.com. C'est l'adresse de son site. Et il y a une petite biographie là-dessus en plus du téléchargement de la pièce Le Psy. Donc, auteur, compositeur, interprète, attiré par la musique depuis toujours, Gervais a joué ses premiers accords de guitare vers l'âge de 13 ou 14 ans. Il maîtrise très rapidement cet instrument et compose ses premières chansons. Ouvert à tous les styles musicaux, il forme un groupe puis enregistre une première cassette de pièces originales. Parmi ses influences musicales, on peut penser aux Coloc, Zébulon, Jean Leloup, Plume la Traverse, les Beatles et le groupe Red Hot Chili Peppers. Adepte du fingerstyle, Gervais compose majoritairement ses chansons seul avec une bonne vieille guitare classique. Il fait plusieurs spectacles dans les bars, festivals et événements, dont plusieurs fêtes nationales. Tout le monde est d'avis que le gars de Joliette ira loin avec ses compositions et sa musique énergisante et festive. Évidemment, je lis sur le site web, c'est lui qui l'a écrit sûrement. Chaque fois, c'est un gros party et la fête s'installe dès ses premiers accords de guitare. Des riffs accrocheurs, des musiques métissées, empreintes de joie de vivre. En 1999, à l'âge de 22 ans, il fait son entrée au cégep de Joliette en musique classique pour peaufiner ses jeux de guitare et apprendre le piano. Il entreprend en 2002 une pré-production dans un sous-sol de Joliette avec l'aide de son ami Stéphane Jeté, avec qui il entreprend un projet d'enregistrement d'un démo dans le but de décrocher un contrat. Ensemble, ils décident de produire une maquette avec l'aide du programme Jeunes Volontaires d'Emploi Québec. Gervais endosse la production, la réalisation, les arrangements ainsi que le concept de la pochette et du site Internet. Donc, durant cette période, il acquiert d'autres expériences de scène en assurant les premières parties de Maxime Martin, Jean-Marc Parent et La Chicane, en plus de participer à des concours tels que le Festival international de la chanson de Granby et le Festi Rock où il est finaliste en 2006. Et voilà. Si vous voulez lire le reste de la biographie, hein, ça parle du reste de sa vie, j'imagine. Allez voir le gervais.com. Il y a aussi une section musique, une section sur ses spectacles et vous pouvez voter pour la chanson Le Psy sur vos radios préférées. C'est ce que ça dit. Voilà, c'est parler de Gervais. L'album, encore une fois, devrait sortir au printemps 2007. L'extrait s'appelait Le Psy. On a reçu un autre single cette semaine et on a été particulièrement content de le recevoir. C'est une nouvelle pièce, un preview, une avant-première, un trailer pour le prochain album d'Iris Duplasmé, qui est un groupe qu'on aime bien à La Chance au Courant. Le prochain album va s'appeler... ça va être un album sur la Saint-Valentin, parce que pour ceux qui connaîtraient pas l'Iris Duplasmé et Claude Giroux, qui est l'homme derrière ça, à chaque fête ou à chaque événement important de l'année, il va toujours sortir un album. Bon, ça peut être, mettons, l'hiver, le retour en classe, Noël, etc. Donc, l'extrait qu'on a reçu s'appelle « La Saint-Valentin » de l'oncle Bidet. Et il y a toujours un petit texte qui accompagne chacune de ses pièces et chacun de ses albums. Et permettez-moi de vous le lire, c'est tellement beau. Après Noël, plusieurs fois, le jour de l'an, l'Halloween et la Saint-Jean, les Iris Duplasmé s'attaquent maintenant à la fête nationale des vendeurs de fleurs, de chocolat et de petites culottes mangeables, la Saint-Valentin. Ils ont pris pour sujet une de leurs cibles favorites, un mononcle. Découvrons alors la triste vie de l'oncle Bidet dans un mini-opéra coq de 2 minutes 57 secondes. Et comme toujours, et contrairement aux cochonneries qu'on est obligé d'acheter pour la Saint-Valentin, à son conjoint ou à sa conjointe par peur de se faire accuser de crime contre l'humanité si on le fait pas, les MP3 d'Iris Duplasmé sont gratuits sur le site www.famillecg.com, www.famillecg.com, CG pour Claude Giroux. On écoute tout de suite l'extrait La Saint-Valentin de l'oncle Bidet d'Iris Duplasmé. Et on en parle encore un petit peu au retour à La Chance au Coureur. Qu'est-ce que tu veux pour la Saint-Valentin? Décatin, décatin, décatin. Si ça marche pas, je me contenterai de putain, de putain, de putain, de putain. Mon nom. Tout seul dans la vie, tout seul dans son lit, il me joue. Mon nom. Autrefois, il y aurait poigné un peu mieux. À cette époque qui était beau, il y avait des cheveux. Mais il était bien trop niaiseux. Y'a pas le temps de t'essayer pour se trouver une bien-aimée. Les courriers du cœur, y est trop net. L'internet manque de bits, de speed dating. Y est trop slow, les croisières, c'est pas nager. Et il faut dire qu'il a ici un peu de tout contre lui. Une bédaine, un gros nez, une moustache, des grands pieds. Il ne sait pas danser, ni cuisiner. Et pourtant, lui seul sait bien que dans son petit cœur en fleurs, il y a des tonnes d'amour et de chocolat à offrir à toutes celles qui... Aïe, ta gueule, on veut danser! quel dommage d'avoir sur le marché des types comme ça, privés de leur envie de dépenser en cette belle fête de l'amour, s'écrient les commerçants de toutes sortes. Il faut l'aider vite, organisons-lui un téléthon au profit de la recherche de l'âme sœur. Ici, nous avons une madame de Matagamiche qui offre une heure de son temps moyennant $350. Elle accepte les cartes de crédit et elle lance un défi à toutes les madames de Matagamiche. En désespoir de cause, le pauvre oncle s'est tourné vers la religion. Faites brûler un lampion pour mon oncle qui ne pogne pas. La Saint-Valentin de l'oncle Bidet des Rizes du Plasmique, un opéra coq, comme ils l'appellent. Allez voir pour plus d'informations et pour télécharger leurs pièces de tous leurs albums précédents. En fait, ses albums précédents à M. Coach Giroux. Allez voir le www.familiecg.com. La formation, c'est les résidus plasmiques. Vous trouverez certainement pas ça dans vos magasins préférés, mais vous allez les entendre à Sifou une fois de temps en temps. Prochain groupe qu'on s'en va entendre, c'est un groupe local, un groupe qu'on aime beaucoup. Hein? Très sympathique, des membres tous plus grands les uns que les autres, les frères Goyette. Et leur album s'appelle « Minimiser les dégâts ». On a reçu ça cette semaine. On est très, très heureux de les avoir. Vraiment, très belle production, très beau CD. C'est un groupe qu'on connaît particulièrement si vous êtes un amateur de C'est fou et que vous écoutez depuis quand même quelques années. Vous aurez remarqué les petites capsules du frère Goyette, Mario Goyette, qui fait des publicités pour C'est fou, qui annonce le site Internet ou d'autres choses-là. Si vous écoutez moyennement régulièrement, vous entendez sûrement. Donc voilà, il fait partie de ce groupe-là. C'est un groupe musical un petit peu brun, disons campagnard. Donc, en tout cas, on va l'entendre, on va voir si l'album est aussi bon que le précédent qu'on avait eu ici à C'est fou. On écoute pour commencer l'intro du disque et puis Montini. Et après ça, on verra ce qu'on entend d'autre de leur album Minimiser les dégâts. Vous écoutez la chance au coureur. Pas capable de plugger deux micros pis ça a pensé à tuner le Pink Floyd. Je veux rien savoir de ce gars-là, c'est de l'incompétence, Perlaine. Moi, je travaille pas avec des incompétents. Je travaille avec la crème, moi. Hey, Mario, là, ramène ta moustache en arrière du micro, là, on recommence. Même pas capable de mettre des feutres dans des bottes, ce gars-là. Peut pas craindre que vous allez sortir un disque. Une chance, je suis là pour le réaliser, mais ça irait pas loin. Comment veux-tu avoir un album de qualité premium quand t'as un maudit feutré de même? Mais là, si vous voulez pas passer pour une gang de 100 juillet, il va falloir travailler dans les coins et donner son 110, les boys. Parlez-moi pas d'un bolis, là. Ben oui, c'est beau. Moi, je veux voir du caillou, du béjeun, la fougue, du mordant. Un gars qui aime bien beau linge, je mets mon manteau de fourreux. J'ai le cache qui vient avec aussi. J'ai fier à lui. Oh yeah. Ça rasait fort d'église quand je suis rentré. As-tu vu la manchure? Je pense que c'est du Versace. Oh non, madame, c'est du castor véritable. Pas question d'aller jobber avec ça sur le dos d'un table. Oh non, jamais. J'suis pas du genre à jouer au golf les fins de semaine. Mais oublie les potes, j'te drive, elle te ferme. Y'a jamais eu personne qui a osé dire que j'te brûle. Et quand ouais, la quantité d'oignons dans mes roteux. Oh yes, baby, come on, let's get down weather. Never been again to sing a song for. J'aime des optimistes assis dans le bar en avant. Ils ont toute une belle place VIP pour checker le curé Clément. Salut mon Jules, comment ça va mon gars? Ça va bien? Hey, belle décoration, merci bien. Thank you, oh, t'as du goût. C'est pas que ça coûte cher, mais ça prend rien que la patience de choisir toutes tes lumières, de les sacrer dans un tas de branches. Y'a ma femme qui Tobalcor, chantant autobariton est énorme. Et elle est là parce qu'il chante fort, mais une chose est sûre. C'est pas sa première messe de minuit. Et déjà vu chanter quelque chose avec le. Ah, c'était qui donc? C'était qui donc, le gars? C'est qui? Le gars des pèlerins, chanteur. Le guerrier. C'est ça. Le notaire guerrier, c'est ça. Je prends 12 ans à jouer au golf des fins de semaine. Midi pot, je te révèle ta tête. Y'a jamais eu personne d'ose et dire que je veux. Mais quand ouais, la quantité d'agneaux dans mes roteux, hey! De réception, c'est moi qui reçois toute la visite. Fontaine de crème soda dans mon portique. Servez-vous, messieurs, les femmes et les enfants d'abord. Petite sandwich roulée aux œufs. Allez voir ailleurs pour du caviar. Oh non, y a pas de caviar ici, madame. Mais y a Maurice Goyette. À genoux devant le Seigneur. N'attends-moi pour te dire le chemin de la vérité. Oh yes, baby, come on, let's get down with her. Never been again to sing a song for her. La pièce Montini des frères Goyette de leur nouvel album Minimiser les dégâts, ici à la chance aux coureurs. L'album va être en magasin le 27 février 2007. Le lancement montréalais va se passer le 10 mars prochain au Petit Campus à Montréal. Évidemment, le lancement montréalais, c'est toujours à Montréal. Ils vont être aussi en spectacle à Trois-Rivières dans la région le 25 janvier à la Chasse-Galerie. N'est-ce pas déjà passé? Oui, seul. Quel beau c'est à jour. Les nouveaux extraits de l'album sont disponibles dans la section médias de leur site web au lesfrèresgoyette.com. Goyette sans S, évidemment, lesfrèresgoyette.com. Et puis, Vos gueules, on chante, leur premier album est disponible dans les commerces suivants. Si vous êtes à Trois-Rivières, vous pouvez aller à l'Oreille Cassée, à l'Auditif Musique et au Colimaçon. Tandis qu'à Montréal, vous pouvez aller aux Anges Vagabonds ou encore le angevagabond.com ou l'Oblique sur la rue Rivard, métro Montréal. Voilà qui est ça. Les frères Goyette.com, on va entendre une autre pièce 2. Si je comprends bien le listing de l'album, les pièces qui sont collées ensemble doivent être dans la même piste du CD. Donc, on devrait entendre Sweet, Rally Blues, Sacrac au soleil et I Would. Et en regardant ça, sûrement qu'il va falloir... Tiens, voilà, on y va. On écoute ça. C'est la chance. Au courage. avec le gros Wallace qui focus sur mes vieilles culottes. Il dit, tu devrais faire pareil comme moi, à travailler en culotte. Pourtant, pas besoin d'y laver chaque fois. Au pire, t'enlèves la croûte, je l'ai. Wallace, j'ai haï sa face, sa face que l'eau, j'ai eu. Soleil, hey, bébé, hey. Non, c'est le coup. Sans même le dire à quelqu'un. Quelqu'un! Allez voir le boss pour le traiter de ce petit pain brun. Oui, m'envoler jusqu'à ma maison. Rire comme un gros moineau, mais je pourrais pas pour une bonne raison. Les culottes aux genoux, c'est sûr que c'est plus facile courir quand t'as des culottes aux aisselles. Ma belle, 410, demain, je m'en vais à chasse au souffleur. Voilà, je me demande pour y ramener un petit cadeau des yeux. Justement, j'avais pensé à toi et à ta belle famille. Vous qui aimez les viandes sauvages, on vous ramener de voyage. Une belle marmotte qui est morte et qu'a gonflé sous le soleil. Tellement des musiques entraînantes. Ah. Les frères Goyette avec Ça craque au soleil. Avant ça, c'était Sweet Rally Blues. Au début, c'était Montini et l'introduction. Les frères Goyette, un groupe local. Danny, tu connais bien Mario Goyette. Hein? Oui, oui. Ben oui. Danny qui vient d'arriver. Ou de son autre nom. Là, oui, son vrai nom. On dira pas. Ça, c'est des personnages. Ben oui, hein? Je connais bien Mario. C'est ça, c'est comme Mario quand... Mario son pinch. Son pinch. Il y a un très beau pinch, Mario. Une belle tuque. Y a-tu une casquette? Une casquette. Des fois, un casse de cowboy, même. C'est ça. Donc, les frères Goyette, l'album s'appelle Minimiser les dégâts. On a entendu déjà plusieurs pièces, mais on s'en va entendre une autre pièce dans quelques secondes. Et puis, plus tard, ben, un paquet d'autres groupes, dont du côté francophone, d'ici la fin de la première heure, TTC, Guilhem Avellan, Jeanne Balibar, Benoît Morel, et puis les prostiputes Morel, pardon. Et puis les prostiputes, ça va être plus tard. C'est au retour de ces messages pour l'Amérique. Ça met le feu à l'ouvrage. Non, je suis pas nerveux car le gouvernement va payer du stock neuf. En attendant, moi je m'enligne vers mon bonheur. Miner le trailer. Le 7-up se dache, je monte au lac. Fièvre propriétaire d'une chaloupe en fibre de verre. Une 20 pieds bien comptés, mon bruit de moteur est intimidant. Le son de guerre fait peur aux enfants. Rien à craindre d'un chat qui ronronne. La litière s'embonne. Mon stock, ben j'prends pas les portes. Heureux comme un pape, j'ai la cam, ouais, tout seul. Pêche dans l'eau bénite, comparaison avec l'Ancien Testament. Y'aura pêche miraculeuse de poissons blancs. Les charognards morderont à l'hameçon. je sens le beurre qui fond. Les frères Goyette. Leur album s'appelle Minimiser les dégâts. On vient d'entendre la pièce qui se nomme La Vermillon. Si on comprend bien, parce que sur leur CD, c'est tout pas écrit de chiffres et puis c'est tout placé bizarre, donc on a de la difficulté à voir. Mais je crois que c'était la pièce Les Vermillons avant La Vermillon. Avant ça, c'était Ça craque au soleil, Sweet Rally Blues, Montigny et Intro. Ça fait le tour de l'album au complet. Procurez-vous-le en magasin très très bientôt. Hein? Oui, oui, oui. C'est de même que ça se passe. Même que je crois que j'ai la date ici. En magasin le 27 février prochain. Est-ce qu'il y a un lancement à Trois-Rivières? Ben, pas un lancement, mais il était en spectacle le 25 janvier à la Chasse-Galerie. Mais le lancement de l'album va être le 10 mars à Montréal, au Petit Campus. C'est super. Ils font leur lancement à Montréal. Yes, sir. Vous êtes avec Danny Janvier, Mathieu Plante à l'émission La Chanson Coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Des fois, on critique, décortique, analyse, des fois, on fait ces genres de choses-là. Pas toujours, par exemple. Des fois, on fait juste les faire jouer. C'est ça, découvrez. C'est le même qu'on fait ça. Parlant de découvrir, j'ai un petit peu écouté quelques extraits de l'album de TTC cette semaine, un nouvel album. On avait déjà reçu un album 2 ici à La Chanson Coureur. C'était un genre d'album noir avec des faces de gars avec des lunettes, si je me rappelle pas. Ah, je me rappelle pas du tout. Il me semble que c'était ça. TTC, l'album est éponyme ou s'appelle, est-ce qu'il s'appelle 3615 TTC? Je pense que c'est 3615. Ouais. C'est ça, 3615 TTC. On va écouter une pièce qui s'appelle Quand je claque des doigts et la pièce va partir aussitôt que Danny va claquer des doigts. Moi, je suis le bravo, mec dame. Qui fait sentir bien dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur, dans tes artères. Moi, je suis le mec qui fait sentir bien dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur, dans tes artères. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Mouille tes lèvres quand tu parles de moi. Toutes tes sexes ne font pas le poids. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Mouille tes lèvres quand tu parles de moi. Toutes tes ex ne font pas le poids. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Hey femme, ça va ma bille, je réponds oui oui. Ça va l'artiste, je réponds oui bien sûr. Et puis lui fait la bise une nuit de plus où je ne vais pas dormir. Je lui dis cache bébé, mon nom c'est Cuisy Cuisy. Et tu es convoqué à un conseil de discipline. Comment dire, t'étais sexy sur la piste. Heureusement que ton papa n'était pas là sur la piste. Je suis le mec le plus chaud par ici. J'ai des idées dans la tête, j'aimerais que t'y participes. Tu veux y aller, on y va, on part de suite. Hôtel de luxe, je prends charge de suite. Remets ton soutif et on embarque tes pinkos. Dis-leur que j'ai la recette pour perdre des kilos. Dis-leur que je suis un garçon bien comme il faut. Vas-y bouge tes cuisses en croisant comme des ciseaux s'il te plaît. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Mouille tes lèvres quand tu parles de moi. Toutes tes ex ne font pas le poids. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Mouille tes lèvres quand tu parles de moi. Toutes tes ex ne font pas le poids. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Malgré mes mauvaises habitudes, j'ai su rester sain. Je me cache derrière toi et soupèse tes seins. Tu te demandes qui c'est et pousse un petit cri. Et puis tu te retournes en faisant gigoter ton petit string. Enfin tu me reconnais, ton rappeur favori. Te voilà rassuré et chaude comme un ravioli. Viens brûler quelques calories en dansant sous les néons. Tequila Tech, c'est à la mode toutes les saisons. Et je sais que tu sais mon nom. Non, voici venu le moment de me donner ton portable. Je vais te dire ce que tout le monde pense tout bas. T'es plus en mal quand ton copain est en cross-bas. Tu t'amuses avec les garçons, tu connais toutes leurs failles. Au fond du verre, tu remues les glaçons du bout de ta paille. Ça fait claque tes fesses quand je claque tes doigts. Mouille tes lèvres quand tu parles de moi. Toutes tes ex ne font pas le poids. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Mouille tes lèvres quand tu parles de moi. Toutes tes ex ne font pas le poids. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Tu as ce sourire enjôleur, tu aimes ce délire de charmeur. Le plaisir charnel, les jupes et les portes jartelles. Tu te parfumes pour me faire savourer ta bonne odeur. Tu me regardes très sincère pour me laisser t'épanouir. Fais voir comme tu trembles. Tu sais de quoi je parle, donc donne-moi cette chance. Et on recommence quand tu veux, car tes lèvres rouges m'inspirent, elles sont pulpeuses. Ton corps de rêve m'attire, tu es voluptueuse. Et c'est merveilleux quand tu claques des fesses que je craque dessus. Si tu plaques ton mec, je me braque, c'est sûr. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Mouille tes lèvres quand tu parles de moi. Toutes tes ex ne font pas le poids. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Mouille tes lèvres quand tu parles de moi. Toutes tes ex ne font pas le poids. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Mouille tes lèvres quand tu parles de moi. Toutes tes ex ne font pas le poids. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Mouille tes lèvres quand tu parles de moi. Toutes tes ex ne font pas le poids. Claque des fesses quand je claque des doigts. Écoutez la musique de demain, aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Elle m'impressionne, je ne sais pas comment m'y prendre. Okay. Je l'admire assise, les yeux plissés, plissés, accoudée, la tête dans la main gauche. Je respire à fond, à fond. En fermant les yeux, je me vois danser avec elle. Zouker avec elle pendant toute la nuit. Je pourrais coucher avec elle pendant toute ma vie. Je tire une latte et elle tue le dance floor. Elle se déhanche et ça me restaure. Quand tu la vois, tu ressens l'amour et de la haine. Je remarque qu'on est plusieurs vallées dans la cour de la reine. Talons aiguilles, classe mannequin, c'est clair, elle a le look autoritaire. Est-ce que je suis du genre à me laisser faire? Entre elle et moi, je sens passer le feeling. Elle me fait signe, je vois son œil qui cligne. Et sous son pull, ses pointes qui durcissent. Je la surnomme mon institutrice. Elle est sévère, elle a l'air céleste. Plus je la vénère, plus elle me délaisse. Elle me regarde, j'ai l'impression qu'elle me juge. Elle danse, elle me fixe, j'ai l'impression d'être nu. C'est pour vous mon cœur levé, vraiment passionné. Yeah. se serre fort, on se tient chaud. Caresser le bas de ton dos jusqu'en haut. Embrasser ton cou, je sais où et comment. Chérie doudou, tendrement. Quelque chose d'impalpable se passe entre nous. Quelque chose d'incassable qui me rend jaloux. Pour apprécier tes charmes, oui je me dévoue. Chaque jour, chaque nuit, je te fais la cour. On se détend, on se comprend, on s'apporte mutuellement. Se réconforte, fait des efforts, on ne peut toujours être en accord. formation française TTC avec des pièces qui viennent de leur nouvel album 3615 TTC. On a entendu Quand je claque des doigts. Hein? Ensuite, Antenne 2, et puis on vient d'entendre Frotte ton cul par terre. Tous des tunes très, très variées dans les moves. Ça me fait penser aux chiens, moi, ça, Frotte ton cul par terre. Tu sais, quand tu vois un chien qui avance sur deux pattes, là, en avant. C'est drôle. Donc, TTC est un groupe de Rap Surf Club de Paris en France. Leur nouvel album s'appelle 3615 TTC. Vous pouvez aller voir le 3615TTC.com. Les membres sont Teki Latex à la voix, Tito Berman à la voix et la production, Cuisinier aux vocals, aux voix, Orgasmic aux scratches et productions, Parawan à la production, Tactile à la production. TTC font aussi partie du super groupe L'Armée des 12 avec La Caution et Saphir. Tactile et Parawan performent ensemble sous le nom Fuckaloop. TTC est une équipe de DJ avec l'aide de Cisquet. Ce que ça dit sur leur myspace.com/inbedwithttc. myspace.com/inbedwithttc. Retenez ça, et puis allez-y. Vous pouvez entendre des extraits, dont Antenne 2 et Frotte ton cul par terre sur ce site-là. Il y a aussi 3615ttc.com, où il y a plein d'informations sur le groupe, et ça dit que l'album est dans les bacs. Je crois que j'avais une petite biographie ici. Ça pourrait être intéressant. Non, on essaie. TTC, le groupe hip-hop, le hip-hop le plus éclectique, innovateur et tordu de l'Hexagone, revient en force avec son nouvel album, troisième opus de la vénérable étiquette Big Dada Ninja Tune pour les néophytes. Comment découvrir le nouveau TTC? Ils disent truculent, turbulent et coloré. Point, ça dit ici, point fort. Sans doute un des meilleurs groupes de hip-hop français. Les Américains qui les ont invités au South by Southwest l'an passé, ouais, sont tombés sous le charme de ces Français qui ont su monter le niveau de respect aux États-Unis vis-à-vis le hip-hop international avec la production Tight et leur statut de superstar en France. L'album 3615 TTC a été produit par la crème de la crème du hip-hop underground français. Orgasmic, Parawan, Tactile, Tido et les chouchous de l'électro en Allemagne, Mode Selector. Je connais pas. Et voilà. Et puis, ils vont avoir des journées promotionnelles au Québec vers la fin février. Et voilà. Plusieurs pièces là-dessus. Il y en a au moins 12 pièces sur l'album de TTC. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre? Prochain petit bloc de musique francophone pour terminer cette première heure. Il nous reste encore 4 albums et je choisis comme ça. Ça me tente d'écouter les prostipides. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je suis d'accord avec toi. Belle pochette. Tout rose. Ouais, avec deux femmes qui s'embrassent, c'est bien. On peut pas rater avec ça, hein. C'est pas mal winner. C'est winner. Big winner. Big winner. Hey, on oubliait de dire, on voulait ramener notre phrase fétiche. Vous écoutez La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à CFOU 89.1 FM cette semaine en Chant de mal. On l'a dit jusqu'au bout. On est bon. Les prostituées, leur album s'appelle Sexe en stéréo. Voici la pièce Je veux danser avec toi, tout de suite à La Chance. Oh, quoi ça? Je la vois au fond d'un bar. C'est la chance au coureur et voici une autre pièce des prostitutes. Rock'n'roll à chier. Hein? Rock'n'roll à chier de la formation Les Prostiputes. Ici à la Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous, avec Danny Janvier et moi-même Mathieu Plan. Putain, yeah. Donc, Les Prostiputes, c'est un groupe de rock, pop, punk, pop. Leur album Sexe en stéréo sort à la Saint-Valentin le 14 février. Ils viennent de Montréal, Rouyn-Noranda. Vous pouvez aller voir Les Prostiputes. C'est le même bout, ça, Montréal, Rouyn-Noranda. Ouais, c'est ça. À peu près à côté. 15-20 minutes, t'es rendu. Tu marches à pied, t'es dégagé. Les membres sont Filx à la guitare et la voix, Christian à la bass et les back vocals, Jean à la batterie et les back vocals, Jimmy à la guitare, la lead guitar en plus, imagine. Ben oui. Ils vont être en spectacle à Montréal, à Québec, à Rouyn-Noranda, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, Grand-Mère. Oh, à Grand-Mère, c'est proche. Oh. À l'Enclume avec les Vautours et Elvis Versa le 13 avril prochain à 21h et ensuite il y a Saint-Jean-Eudes. Jonquière et puis Joliette. Allez voir myspace.com/lesprostiputes pour plus d'informations et pour entendre les pièces, quelques pièces dont Je veux danser avec toi qu'on a entendu juste avant Rock'n'Roll à chier, qui était la pièce qu'on a entendue il y a quelques secondes. On est très vulgaire aujourd'hui. Un beau titre, Rock'n'Roll à chier. Absolument. Mais oui. Frotte ton cul à terre, c'est ce qu'on dit. À la chanson coureur. C'est ce qu'on dit à vous. Non, c'est des titres de pièces. Tu vas pas aux gens quoi faire s'ils veulent se frotter le cul à terre qu'ils fassent. Ils peuvent, surtout quand on est vendredi. Ah, ben là, faut pas dire des dates. C'est jours. Ça. Ben, on est jeudi, sinon. Hein. Jeudi, c'est quand même proche de vendredi. C'est le bord de, venez dans votre paye, partez-nous sur la brosse. Tout. Partez sur la brosse, sur votre tapis. prochaine pièce qu'on s'en va entendre des prostituées, excellent groupe, on s'en va entendre de New Wave Kids, de leur album Sexe en stéréo. Ça va être la fin de la première heure, malheureusement. Donc, on va avoir seulement un extrait de la pièce à vous offrir. Comme ça. Restez avec nous parce que dans la deuxième heure, on en parle depuis tantôt. Il nous reste encore un petit peu de francophones. Jeanne Balibar, Guilhem Avellan et Benoît Morel. On va dans la deuxième heure, mais tout de suite, les prostituées à la chance! Oh, courage! C'est la deuxième heure de La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou 89 FM cette semaine. Mathieu Plante et Danny Janvier avec vous pour les découvrir, ces nouveautés. Hein? Oui. Il nous reste encore un petit peu de francophone, mais avant de continuer sur notre lancée avec Jeanne Balibar, parlons un petit peu des prostituées. Tantôt, on a fait jouer plusieurs pièces, on n'a pas vraiment parlé d'eux. Donc, cette Saint-Valentin, il nous envoie un texte dit, cette Saint-Valentin, oubliez Cupidon. Les petits cœurs en chocolat, la musique romantique et les poèmes qui parlent de fleurs, parce que le 14 février, les prostituées t'amènent danser au son de leur nouvel album Sexe en stéréo. C'est la suite de leur album Trop souvent mal baisé, qu'on avait bien aimé, qui a tourné sur nos palmarès. Ça s'est périté, même. Le panache de l'album rock de l'année au Gamic 2006. Sexe en stéréo se veut le meilleur matériel des prostituées à ce jour, bravo. Réalisé par Hugo Mudy. Et puis, c'est le premier album lancé par la compagnie des prostituées méga fiables. L'étiquette est fière d'être un nouveau joueur de l'industrie musicale au Québec. Les prostituées monteront avec plaisir sur les minuscules planches de l'Escogriffe le 14 février, d'abord lors de 5 à 7, et puis à 21h, un spectacle complet. Allez voir lesprostituées.com, c'est l'information que j'avais à donner là-dessus. Jeanne Balibar, son nouvel album s'appelle Slalom Dame. Slalom Dame, qui sort au Canada le 30 janvier 2007. Elle a été formée au Conservatoire national d'art dramatique et après 4 années à la Comédie française de 92 à 96, où elle interpréta entre autres Les Bonnes et Don Juan. Jeanne Balibar poursuit depuis 10 ans une carrière atypique, exigeante, voire intransigeante au cinéma, au théâtre, à la télé ou plus récemment dans la chanson. Elle a été nommée 2 fois dans la catégorie Meilleur espoir féminin au César et puis en 97 aussi, une fois pour le meilleur second rôle féminin. Ça arrête plus les prix. Et puis, il y a des collaborations sur l'album, dont un duo avec l'auteur-compositeur Fred Boulet-Sara Murcia, qui lui offre rien. Christiana, 2 fois, Sex and Vegetables et Houdini. Voilà. Tous des gens qu'on connaît. C'est ça, c'est super le fun. Je m'endors en le lisant. Donc, Jeanne Balibar, voici une pièce qui se nomme Rien, et puis ça fait le tour, je pense que ça va aller. Hein? La chance au courant. C'est un bon titre, ça, Je m'endors en lisant. Ouais. C'est fin. Thank you. laisser la poussière sur l'étagère en verre, fumer une jaune player et ensuite une pitaire ouverte, le frigidaire. Je savais pas quoi faire, j'ai travaillé une heure sur les coups de 10 heures, branché le répondeur, faudra jeter ses fleurs. J'ai pensé à la mer et je pensais à rien, rien y faire. Prenez la poussière depuis la semaine dernière. Écoutez du Schubert. Je savais pas quoi faire. Un peu après 11 heures, j'ai jeté les fleurs. Je n'ai pas eu le cœur d'écouter le répondeur. J'ai pensé à l'hiver et je pensais à rien, rien n'y fait, rien n'y fait, ni à faire. Dans une boîte en fer, elle prenait la poussière sous l'étagère en verre pour le disque de Schubert. Je savais pas quoi faire. Écoutez le répondeur, lundi 23, 22h. Tu parlais d'un bouquet de fleurs. L'autre message, c'était ma sœur. Il y a des rimes en heure. Qu'est-ce qu'on peut faire? En plus, c'était il y a une variété de heure. Sinon, pensez à rien. Rien n'y fait rien. Commentaire critique ou insulte, 819-376-583, appelez-nous en studio et demandez-nous d'arrêter la pièce. Il lui reste 30 secondes. faudrait que notre amie ici, Jeanne Balibar, remercie notre nouveau format de 3 heures pour le fait qu'on a laissé aller la pièce. Oui. Dans l'ancien format de 2 heures, ça n'aurait pas duré longtemps. Non, tu peux pas vraiment avoir plus endormant. Puis comme poésie à deux scènes, là, c'est à peu près... Il y a beaucoup de syllabes différentes. Hein? La poésie très, très, très riche. Mais bon, c'est pas notre genre. Vous pouvez peut-être apprécier à la maison, c'est votre droit. La pièce s'appelle Rien. Ça vient de l'album Slalom Dame de Jeanne Balibar. La pièce s'appelle Rien. C'est bon, ça fit bien. C'est notre impression qu'on a. On a l'impression de rien. Rien. Voilà. Donc, salut Suzanne. C'est ça, Suzanne? Jeanne. Tu peux salut l'appeler Jeanne. Suzanne si tu veux. Ben, moi, c'est ce que je me dis. Tu sais, je la verrais, je dirais salut Suzanne. Je vais t'appeler Guy à partir de là. Ah, tu peux m'appeler Suzanne. Parlant si de Guy, Guylaine Avellan et notre prochain artiste qu'on s'en va entendre. Son album s'appelle « À la diagonale du soleil ». Oh! Oui. C'est un groupe français. Comment j'ai deviné ça? Parce que les noms de famille sont écrits en majuscules à l'intérieur du disque. En majuscules! Donc, Guilhem Avellan! Fabrice Cano! Il crie en disant les noms. Ouais, c'est ça. Désolé pour vos tympans. Il y a plusieurs pièces sur cet album, dont « Le pullover rouge et blanc ». Oh! La complainte d'une montre oubliée dans un tiroir. Le vent de l'ouest. Emma, la douce. Héloïse, ma belle. Marlène, Oscar. Donc, peut-être qu'il est un petit peu ambigu sur ça. Ah. Ça mais on Oscar. Salut, Oscarette. On va entendre une pièce qui s'appelle pour tout de suite le pullover rouge et blanc. Et puis, dépendant si on aime ça, on suivra avec une deuxième pièce. Tout de suite à la chance. C'est qu'est-ce que ça, Toon? Chance au courant. Le pullover rouge et blanc que tu portais avant, Il a disparu dans un champ où nous allions souvent, juste porté par le vent. Près de la rivière, il a disparu lentement au milieu des fougères. Un enfant qui jouait par là, près de la rivière, a fait sécher dans le vent le pull-over rouge et blanc. Pim, pim, pim, c'est, le pull-over rouge et blanc que tu portais avant, l'enfant l'a oublié un jour qu'il faisait chaud dans les faubourgs. Un militaire de passage l'a trouvé là au petit jour. Il l'a mis dans son paquetage au milieu de lettres d'amour. Ce militaire de Bourges à la fille sans âge qui attendait son passage donna le pull-over rouge et blanc. Pim, pim, pim, ça va. Le pull-over rouge et blanc que tu portais avant, la fille qui aimait le soldat l'échangea contre un repas. Elle avait faim et plus tard, comme elle avait froid, elle eut des regrets mais trop tard. Le pull-over n'était plus là, l'aubergiste avait du cœur. Elle le porta quelques dimanches à un gars qui faisait la manche. Elle donna le pull-over rouge et blanc. Il suivait la route au hasard, et comme il avait chaud un soir, il a posé devant ma porte le pull-over que tu portais. Et c'est moi qui te l'apporte, je t'en prie, ouvre ta porte. Mon cœur est caché dedans, le pull-over rouge et blanc. Et c'est moi qui te l'apporte, je t'en prie, ouvre ta porte. Mon cœur est caché dedans, le pull-over rouge et blanc. Pim, pim, pim, ça. Le pull-over rouge et blanc. Le pull-over rouge et blanc que tu portais avant, il a disparu dans un champ où nous allions souvent, juste porté par le vent. Près de la rivière, il a disparu lentement au milieu des fougères. Le pull-over rouge et blanc de Guilhem Avellan. Parlons un petit peu de Guilhem Avellan, Danny. Hein? Guitariste professionnel depuis plusieurs années, écrit des chansons depuis l'âge de 15 ans, et ça se sent et ça s'entend, selon son dossier de presse. Des influences, il en a, comme tous les bons auteurs et comme tous les bons compositeurs, il s'est puisé à l'origine pour que le ruisseau devienne une rivière, musique claire et riche, arrangement sobre et efficace. Ah, oh, que c'est beau! On dirait une liste d'épicerie. C'est ça. Il est né à Montpellier, puis il vit actuellement dans le Garde. Ah. Entre Nougaro et Jonas, Guilhem Avellan a l'humilité et la passion des grands. D'accord. Donc, en 2002, il avait sorti l'album Impasse du rêveur. En 2003, le single Hello Héloïse, l'enregistrement du deuxième album à la Diagonale du Soleil. Et puis là, c'est ça qui est sorti, c'est ça qu'on a reçu. Alors, on va entendre une deuxième pièce de ça. Ça vient d'une compagnie. Ouais, Musique Emo. Musique Emo, qui nous a aussi envoyé un CD de Baiki, qu'on écoutera après, juste pour voir. Mais avant ça, il va nous rester un autre album de francophone de Benoît Morel. Ça s'appelle Félin pour l'autre. Mais tout de suite, voici à la Diagonale du Soleil de Guilhem Avellan. À la chance! Au coureur! À la Diagonale du Soleil, il y a le sourire vermeil d'une fille aux yeux de miel. Si elle levait les paupières, elle me verrait comme hier, juste au bord de la rivière. Elle me verrait l'inconnu qui se baigne toute nue sous le soleil revenu. si elle écoutait le silence, elle entendrait la cadence de mon cœur qui s'emballe et danse. Une abeille passe, le vent dans les feuilles, pourvu que rien ne se passe, que nous restions seuls. Elle qui se délasse au soleil, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, je reste là près d'elle. À la diagonale du soleil, à la diagonale du soleil. Pour repartir, j'ai de la peine à la laisser sous le grand chêne. Alors j'attends que le soir vienne. Le soir vient et puis l'aurore. Je suis auprès d'elle encore. Je la regarde qui dort. Puis elle sèche ses cheveux noirs, remet ses habits sans me voir. Je reste seul avec l'espoir. Elle reviendra un jour ou l'autre, j'attendrai que le vent porte son parfum jusqu'à ma porte. Une abeille passe, le vent dans les feuilles, pourvu que rien ne se passe, que nous restions seuls. Elle qui se délasse au soleil, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, je reste là près d'elle. À la diagonale du soleil, à la diagonale du soleil. Cet air devient monotone, la la la la la la la. Si elle ne revenait pas de l'été jusqu'à l'automne, sans voir l'ombre de ses pas. Si belle quand elle sourit au soleil et à la vie, sans elle je ne suis personne. À la diagonale du soleil, j'aimerais la voir qui s'éveille et sous le ciel horizontal. Une abeille passe, le vent dans les feuilles, pourvu que rien ne se passe, que nous restions seuls. Elle qui se délasse au soleil, et moi, et moi, et moi, et moi, je reste là près d'elle. À la diagonale du soleil, à la diagonale du soleil. À la diagonale du soleil. À la diagonale du soleil. À la diagonale. Mais celle-là, hein? Ouais. À la diagonale du soleil. Pareil, hein? Guillaume Avellan avec la pièce titre de l'album À la diagonale du soleil. Hey, je t'ai démasqué, c'est toi, Guillaume Avellan. Ben oui. Guillaume Avellan. À la diagonale du soleil. C'est toi, sérieux. C'est pareil. C'est bien. J'en cache des affaires, je suis quoi, tellement. Tu l'as pas dit. Multitâche, j'en fais des millions d'affaires. Tu fais ici, tu fais plein d'argent avec ton album de Guillaume Avellan, je sais pas quoi. Et au début du bloc, c'était le pull au vert rouge et blanc. Dani, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as aimé ça? Ben, j'ai aimé mieux la diagonale du soleil. Ouais, sérieusement. Aussi. Il y avait un bon petit. Une bonne petite mélodie, je trouvais, à cette pièce-là. C'est tellement des belles chansons. Des chansons entraînantes, comme on dit. Donc, voilà, pour Guillaume Avellan, on a parlé un petit peu de lui tantôt, on a fait une mini-biographie. Maintenant, ce qu'on s'en va entendre, hein? C'est Benoît Morel avec Félin pour l'autre. Mon dans la pochette. Là aussi, c'est décris-la un peu. Ben, c'est un gars, on voit une face un peu en flou, avec une peinture de minou avec une lune dans la bouche, qui est écrit Benoît Morel. Mais moi, les pochettes avec une grosse face comme ça, d'habitude, c'est pas vendeur. Tout mais à bon, fait, tout à fait. On va mais voir, en même temps, Guillaume en avait une photo en filigrane sur son affaire. C'est pas. Ouais, mais sa pochette, c'était pas ça. Non, sa pochette d'album, c'est la pochette, le ouais, pochette d'album, là, faut pas qu'il y ait ta face dessus, sinon, ça part loin. Ça part mal. Bon, ben, tiens, on va commencer par écouter une pièce de l'album qui s'appelle Texto. J'imagine que c'est une hymne aux messages textes et aux SMS. Peut-être. Peut-être que ça va me faire mentir aussi. C'est ce que j'aimerais. Peut-être j'aimerais que tu bien vas te prendre pour moi une fois de temps en temps. Peut-être. Ouais. Voici Texto de Benoît Morel à la chance. Au pouvoir! Petit minou sur la pochette. Petit poisson, le petit poisson. C'est pas un poisson, c'est une lune. Une lune? Oh, j'ai pas de bruit pour la lune, par exemple. C'est rien. C'est rien. Je te SMS, je te le dis texto. Je t'aimais trop tard, trop tôt. Nos derniers mots furent ceux qui blessent. Manque de peau, manque de cœur. Et j'avais raison. Hey, bravo, Danny, tu t'attends l'eau. Non, le botte au cul. On disait que le nouveau format de 3 heures pourrait bénéficier à certains artistes, mais celui-là, malheureusement, passe pas la cote-pan. C'est trop mauvais. À moins que t'aimes vraiment ça, on peut l'écouter le restant. Non, c'est correct. Bon, ça va aller. C'est correct. On va passer à autre chose. On va l'entendre. On peut peut-être laisser une chance une autre pièce. T'sais. Ah, ah j'aime ça. Ah, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des tests de même. Comme on peut tester. Une on est là. On est là pour vous. On est là pour nous. Donc, on peut tester. Exactement. En direct, les vendredis matin de 10h à 13h et les jeudis après-midi en rediffusion de 13h à 16h. Écoutez-nous. Faites-vous des idées sur les artistes qui sortent de même de la piscine. T'sais, des fois, ils se trempent le gros orteil dans l'eau pour voir si c'est bon. Après ça, ben, c'est pas bon. Ben, ils sortent de l'eau. C'est ça. S'il fait trop froid. Trop froid. Ils sautent c'est pas. Ça. C'est l'hiver. Jardin secret au bord de la forêt. C'est la même pièce. Non, c'est pas. Tu m'as fait douter, mais non. Ça serait tout aussi mauvais. On va-tu une autre? On essaie. Ouais. On est là pour essayer. Ouais, c'est ça. Celle-là s'appelle le Nord au Sud. Le Nord au Sud. Je pense que c'est sa voix que j'aime pas, finalement. C'est vrai. Hein? Jamais ri à guérir sur les ports de ta peau. Déjà marre on a mon épée. On va l'écouter ça. On la laisse aller. Tes organos. À deux doigts de l'estuaire où j'écume les rades. Dans tes zones portuaires, dans tes détroits de jade. Laisse-toi mon amer. Ok, il a eu sa chance, là, Benoît. Il a eu trois chances, le gars, je veux dire, trois chances. C'est trois faux départs, le gars. Retiré de la course. Retiré de la course, garçon. C'est comme à lutte, boxe, volleyball, je joue plus l'idée de gars, en tout cas. Comme à la course. Au baseball, c'est ça, troisième prise. T'es out après. Ok, donc voilà, l'album de Benoît Morel s'appelle Félin pour l'autre, si donc, ça vous intéresse. Faites attention de ne pas vous procurer cet album. Non, je n'ai pas dit ça. Hey, Danny, je suis méchant. Oh. OK, donc tantôt on parlait d'un artiste qui s'appelait Guilhem Avellan, hein? C'est moins pire, pas mal. Tu te souviens de ça? Eh bien, on a reçu un autre album de la même compagnie dont on parlait tantôt. Musique et mots. C'est ça, Musique et mots. C'est comme, on dirait un nom de magasin de disques qui dure pas longtemps, Carrefour de Trois-Rivières. Moi, je trouve que ça ressemble à le titre d'un livre pour enfants. C'est vrai. Musique et mots. Ou une mini-magimo. Ben, presque, oui. Il y a sûrement Joël Lejeune dans quelque part. Raconte une histoire. Baiki. L'album s'appelle Do It Yourself. C'est classé dans la musique du monde, World Beat. Et puis on va entendre une pièce qui s'appelle La Pluie. Et puis, ben, on va voir ce que ça donne. Ouais! À la chance! Au courage! Comme il en est sûr, son destin, même s'il n'est pas clair, lui réserve un avenir à Dieu, sous des cieux beaucoup plus fléments. Le nez en l'air, il passe son temps à railler son pays plus vieux. Encore deux, trois bricoles à faire, l'avion et puis sa vraie nature. Moi, si je picole, c'est parce qu'il pleut. Mais la pluie n'a plus rien à voir, c'est l'habitude qui le fait voir, de fête en bas jour après soir, parfois jusqu'à plus rien y voir. Il veut pourtant toujours y croire. Être heureux c'est son métier, comme il le dit dans ses bonnes passes. Je suis vivant grâce à Dieu, quoique je flippe de temps en temps, de me retrouver dans 30 ans. Vétéran d'une clique de vieux, attendant que l'avenir me chasse du comptoir d'un bar de quartier. De toute façon, quand tu vois comme le monde tourne, c'est vrai que parfois j'ai des doutes qui m'assaillent périodiquement, mais ils s'estomperont sans doute au toucher d'une bouteille de blanc. Car le monde n'a plus rien à voir, c'est l'apathie qui le fait boire, de fête en bas jour après soir, parfois jusqu'à plus rien y voir. veux pourtant toujours y croire. Il a des moments trop lucides pour sa certitude incertaine, où il pressent que les jours passent, mais que sa voix n'est pas tracée. Écrase une larme sur son passé et reconnaît que le temps trace, qu'il a loupé la première scène, mais que son cœur n'a pas pris une ride. Pourtant autour de son verre vide, il n'est plus la seule âme en peine. Même si ses potes ont tous leur place, quelque chose en lui s'est cassé. Ses illusions se sont lassées, et tandis que ses doutes s'entassent, y'a plus quelqu'un qui vaille la peine d'affronter seul cette vie aride. C'est différent quand t'es à deux. Le célibat n'a rien à voir, il dit que ses copains le font voir, de fête en bas jour après soir, parfois jusqu'à plus rien y voir. Car la pluie n'a plus rien à voir, c'est l'apathie qui le fait boire, de fête en bas jour après soir, parfois jusqu'à plus rien y voir. ojos a ver el bien con toda la boca, esperando otro aroma. Se van con la mente limpia, desafíos a punta pala, boca de oro llena de moscas. Saut de chaudron, tout le monde. Baiki avec une pièce de son album Do It Yourself. C'était la pièce Boca de Oro. Et à noter que le solo de chaudron était fait par le chef Boyardi lui-même. C'est ça, ben oui. Ça, puis le gars qui fait les spaghetti house. Puis les nouilles pour, avec les schtroumpfs dedans. Oh. C'est ça. Tout le même gars. Les schtroumpfs et haut. C'est ça. Donc, Baiki, l'album s'appelle Do It Yourself. C'est à voir. Hein? Quand même. Ah, bravo. C'est ça. Oh, ça veut vraiment dire quelque chose. Je ne l'ai pas écouté. Moi non plus. On parlait un petit peu de télé comme ça parce qu'on est des fans. Yes. On parlait de l'émission Le Banquier. Oui, qu'on n'a pas écouté finalement. C'est ça. Fascinant. Fascinant. Donc, voilà, nous voilà rendus à un bout de la chanson coureur que j'aime bien, c'est-à-dire celui de maintenant. Ouais, ouais, c'est la plus belle heure, ça, je trouve. C'est vraiment une très belle heure. Je capote, moi, je me pince. On va passer à un Black Punk, Dan. Black Punk. Qu'est-ce qu'on s'en va faire? Un petit Black Punk rapide. Black Punk. Vous savez que le Black Punk, souvent, les pièces se ressemblent toutes, donc on en laisse seulement une par album. Dépendant, c'est très, très bon, peut-être. Puis on vous dit pas qui est le band qui joue, c'est à vous de le découvrir. C'est ça. Ça pourrait être n'importe quoi. Le premier groupe s'appelle Blinded Black. Blinded Black avec Under the Sunrise. Ça fait très, très grunge, très, très punk. Je dirais la couverture, c'est un genre de marécage avec un oiseau. Côté emo aussi. Oui, c'est ça, c'est rouge. C'est tendance, en tout cas, très sombre. C'est très tendance. Voilà. Donc, on va écouter deux pièces. On commence par l'introduction et puis la pièce principale, Death is Never Permanent. Et ça se passe maintenant à la chance. Au coureur. Thank you. vous êtes assez fou. 89.1 FM, la seule radio musicale. De la formation américaine Blinded Black. À la chanson coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. On a entendu les pièces Set in Stone et puis Death is Never Permanent de ce groupe et de leur album Under the Sunrise. Parlons un petit peu de Blinded Black. C'est un groupe de St. Louis aux États-Unis. Ils font dans le rock emo screamo. Ça n'avait pas l'air si screamo, emo. Screamo, on avait parlé. Hein? Ouais, de ce que ça veut dire. Ouais, ouais, ouais. Screamo, on s'en rappelle plus. On sait ce que. Ça existe. Ça existe au moins. Donc, allez voir le blindedblack.net. Les membres sont Jeff Zinnick, Mike Smith, Jake Rollman, Chuck Krause, Tyler Hanks et Nick Rollman. Ils ont une quantité de shows qui s'en viennent, en tout cas. Ah, et carrément, ça arrête plus. C'est pas mal tout en Californie, même. Ouais, ben, si vous voulez les voir, si vous les aimez tellement. C'est ça. Allez voir leur myspace.com/blindedblack aussi pour plus de renseignements et pour entendre les pièces Set in Stone, Under the Sunrise et Behind the Scenes de leur album du même nom, Under the Sunrise. Ben, du même nom qu'une des pièces que j'avais mentionnées. Bref, je fais le tour de ça. Prochain artiste dans notre bloc punk qui est pas si mauvais que ça jusqu'à maintenant quand même. C'est bon. Non, c'est correct. Donc la prochaine formation, c'est Bayside. Leur album s'appelle The Walking Wounded et c'est justement la pièce titre qu'on s'en va entendre tout de suite. À la chance. Au coureur. crooked salesman telling lies. Then our time is up. Scientists, they couldn't fix me. I'm so tired of getting out of bed. But who would want to die as a cowardly little child? When our time is up, we'll be ashamed or Et on continue le Bloc Punk avec A Day to Remember à la chanson Coureur. I want to let. Judgment. C'est violent comme punk, hein? C'est comme semi-métal. Donc, on vient d'entendre la formation A Day to Remember avec une pièce qui se nomme The Plot to Bomb the Pan and Palm. OK. Juste avant, c'était la formation B-side avec deux pièces de Walking Wounded et puis c'est ça. La troisième, Duality. À la source au coureur, on a presque terminé la deuxième heure de cette émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues. C'est fou cette semaine. Dans la troisième heure, on va avoir beaucoup d'anglophones, de l'alternative surtout. Et puis, on termine sa deuxième heure avec une autre pièce de Day to Remember. Voici Monument. Hein? À tantôt. Restez là, tu sais. Restez là pour ça. Ça va être bon. Hein? So far away from here with you, my dear, that I'll never leave your side. Nobody knows the troubles I've seen in a band on a soapbox for the world to see. Miles away, and I wish you said it means so much to me. C'est la troisième et dernière heure de la chanson coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Mon nom est toujours Mathieu Plante. Allô? À la fin de la deuxième heure, on a parlé de deux groupes, mais on a oublié de donner quelques détails. Commençons rapidement par B-Side. Leur album s'appelle The Walking Wounded et va sortir le 6 février prochain. Voilà. Vous pouvez aller voir baysideisacult.com. Les membres sont Anthony, Chris, Jack et Nick. Leur MySpace est au /Bayside. On a aussi entendu un petit peu de A Day to Remember. Donc, parlons d'eux un tout petit peu. Leur MySpace est sur le myspace.com/A Day to Remember. C'est un groupe de pop-punk hardcore de Ocala en Floride. Leur album est sorti depuis le 23 janvier. Vous pouvez aller voir le site web ADTR, A Day to Remember, rock.com. Et les membres sont Jeremy, Neil, Joshua, Alex et Tom. Et voilà, c'est eux. assez parlé de ça, assez de retour en arrière. On passe à cette troisième heure, qui va être absolument grandiose, remplie de très, très bonne musique, beaucoup de musique anglophone. C'est d'ailleurs par ça qu'on va commencer, de la musique alternative. Le premier groupe qu'on va vous faire entendre, c'est The Swallows. Leur album s'appelle Awkward Situation. Ça décrit quand même plutôt bien la chance au coureur dans la plupart des cas. Donc voici la pièce Glorious tout de suite à la chance au coureur. I'm du groupe canadien de Swallows avec l'album Awkward Situation. Ici à la Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues assez fous depuis les 7 derniers jours. Donc de Swallows, c'est un groupe de rock alternatif de Toronto en Ontario. Leur album Awkward Situation est en magasin maintenant. Vous pouvez aller voir myspace.com/TheSwallowsMusic ou encore TheSwallows.ca. Les membres sont Glenn Milchim, John Bora, Andrew Inanen et Johnny James. Et voilà, c'est pas mal ce que ça dit. Et puis il y a des streams de leurs pièces Glorious, Out of the Way et Wrong Turn sur leur site au TheSwallows.ca. Voilà. Et prochain album qu'on s'en va entendre, tiens, passons, changeons le sujet complètement pour une jeune dame qui s'appelle Eleni Mandel. Son album s'appelle Miracle of Five. On va entendre la pièce My Twin en quelques secondes, mais parlons tout de suite d'elle. Elle fait dans le rock alternatif indie. L'album sort le 6 février 2007. Ça s'appelle Miracle of Five. Elle vient de Los Angeles en Californie. Vous pouvez aller voir myspace.com/Eleni Mandel. Eleni, c'est E-L-E-N-I, Mandel, M-A-N-D-E-L-L, ou encore elenimandel.com, c'est aussi disponible. Les membres du groupe, elle-même à la voix et la guitare, Ryan Thieves à la bass, Kevin Fitzgerald à la batterie, Jeremy Drake à la guitare électrique, et ils ont collaboré avec un paquet de gens, elle a collaboré avec un paquet de gens, dont Herbie Hancock, dont qu'est-ce que je reconnais là-dedans? Pas grand-chose. Vraiment pas. Enfin, elles vont faire ça. Allez voir sur le site, hein, et on écoute la pièce My Twin et puis on en parle au retour à la chance. Courage! Why did the train derail? Avec Cosmopolitic de leur nouvel album Polyphonic à la chanson coureur. Très bon. Très, très bon. Ça vient de Montréal et Sherbrooke. Zero Hertz. Allez voir myspace.com/zerohertz ou encore zerohertz.net. On va l'entendre une deuxième pièce dans quelques secondes, même qu'elle va commencer dès là. Mais parlons un tout petit peu de leur MySpace. myspace.com/zerohertz. Vous pouvez entendre les extraits que vous avez entendus aujourd'hui. On continue. Direct là. De même. Go! La chance au coureur! Yeah. Kiss avec la pièce Polyacéline de leur nouvel album Polyphonic à la chanson coureur. Et c'est un de mes, comment on dit, mon container pour le coureur de la semaine de cette semaine. J'ai vraiment aimé Zero Hertz. C'est très, très... très pesant, hein? Oui, c'est lourd, mais c'est en même temps très buzzant. Donc, Cosmopolitic, Ride the Dragon et Polyacéline, c'est les trois pièces qu'on entend de leur album Polyphonic. Voilà pour Zero Hertz. Et puis, en passant, leur site web, comme je le disais tantôt, est au zerohertz.net. Merveilleux. Allez-y là. Là. Et vous avez remarqué le retour de Dany Janvier, comme ça, subtilement, entre deux chansons. Oui, je fais ça tranquillement. Oui. Il nous reste encore un bon petit, quoi, 20 minutes à passer avec vous pour passer de la bonne musique, découvrir des choses, lancer des affaires sur les murs, voir ce qui colle, tremper le petit orteil dans l'eau, la piscine de la... Dans le bassin. Bassin de musique du Québec. Et autres. Et oh, aucune idée de ce que je suis en train de dire. C'est pas grave. Prochain artiste qu'on s'en va entendre, c'est Mother, avec une très, très belle pochette. Très belle pochette, regardez, j'adore. Regardez l'écran de votre radio. J'adore. Un coq poulet, coq? Un mélange. Hein? Un coulet, genre. Avec... J'aime ça. Puis un coulet violent, en plus. Ben oui, regarde ça, comment il graffigne. Il graffigne la pochette. Et il y a 5 têtes. C'est comme une main, mais en forme de poulet. Ou de poulet. L'album s'appelle Touch Up et on s'en va entendre la pièce titre. Ça a l'air assez épeurant, dans le sens que la pochette en arrière représente un genre de monstre du Loch Ness à côté d'une maison. Et les gens à l'intérieur de la pochette ont tous une trace de pattes de coulet directement sur la figure de sang. C'est vraiment, en tout cas, c'est quelque chose. C'est une très belle pochette. Et c'est canadien. Voici Touch Up de Mother à la chance. Au coureur. Encore Zero Hertz. On te pardonne. Mais on les aime, Zero Hertz. Ça fait une belle intro, tu pourrais en parler comme ça. Moi, je pourrais parler comme ça, puis je serais comme, hey, tu sais, je suis cool. Ah, tu me regardes, regardez-moi comment je suis bon. T'es cool. Tout de suite, Mother à la chance au coureur. Washed off. I need a touch-up mascara all up in my eyes. Chemical hair dyes and highlights higher than my lights, higher than highlights. My makeup, it has washed off. I need a touch-up. I need a touch-up. I need a touch-up. I need a makeover. Exfoliant cream, irons and proteins for my size. Cucumbers on my eyes, tender acne's my eye flies. Film and foam, dinner for skin tone. Nuclear herb and F-bomb. My makeup has washed off. Has washed off. I need a touch up. I need a touch up. I need a touch up. I need a touch up. Need a hair band attack. Need to be cropped and cut. I need a touch up. I need a haircut. Need a shave and a puff to help me get me fucked. I am a makeover queen. Swan out of queen. Ugly duckling. You're drowning in makeup. My makeup has washed off. Scraping my knees, dirt on my cheeks, not one cha pa ni ra cha cha pa ni ra cha cha pa ni ra cha cha yeah I need a cha cha yeah give me the cha cha yeah I need a cha cha yeah give me the cha cha yeah I need a cha cha yeah give me the cha cha C'est fou, 89 ans. Dirty town, don't like living in a dirty town. I don't like living in a dirty town, 'cause a dirty town gets me down. I saved up and I bought some land, 'cause I can't stand living in a dirty town. Yeah, I pinch my pennies and I put them down, and I wash my hands of a dirty town. Plant my seeds in the ground, yeah, I put them down in my new brown land, 'cause you can't plant seeds in a dirty town. No, you can't plant seeds in a dirty town. I'm chopping firewood, chopping firewood, chop, chop, chop, just like a be chopping wood. Hot country. My killing sticks are the perfect little wood. Killing sticks. Get gone from a dirty town. Get gone from a dirty town. Everybody now. Get gone from a dirty town. Get gone from a dirty town. Canadienne Mother Mother avec deux pièces de leur nouvel album Touch Up. On vient d'entendre Dirty Town juste avant, c'était la pièce titre Touch Up. Sympathique. Ouais, c'était sympa. C'était un peu un genre de country alternatif bizarre, je sais pas. Mélange les styles d'une façon vraiment spéciale. J'aime ça. Très original. L'album sort de façon numérique sur Internet et au Canada le 20 février prochain. Donc, soyez là pour ça. Et puis vous pouvez voir leurs spectacles. Ils vont être partout au Canada, dans différentes provinces, dont le Manitoba, l'Alberta, la Colombie-Britannique, tout sur le Québec, dans le fond. À ce que je vois, oui, c'est ça. Et même à Texas. Au Texas, ils vont être au South by Southwest, eux autres aussi. Ils veulent pas être pris pour parler en français. Ben non. Maman, maman. .com. Non, site. Mother, mother. Site.com. C'est ça, faut pas oublier le site, parce que mothermother.com, c'est sûrement un site de recettes. Oui, c'est ça. C'est un site de récent. OK, donc voilà, ça, c'était deux pièces de cet album-là. Le prochain qu'on s'en va entendre, c'est Room 11, un autre groupe canadien dans notre superbe bloc canadien, alors qu'il reste seulement 10 minutes à l'émission. On va sûrement avoir le temps d'entendre au moins une pièce. Donc, First Time Again de cette formation qui est au room11music.net. Tellement les noms de domaine sont tous pris dans le monde. Tout est pour rendu .net maintenant. C'est ça. C'est dommage, parce que c'est tellement pas beau un .net. Moi, j'en veux pas. Non. T'en veux-tu un peu? Ben, moi, ça me dérangerait pas vraiment. Non, mais c'est sûr que .com. Faut tout le temps que tu le précises. C'est ça. C'est .net, oublie pas le .net, là. Ouais, c'est clair, parce que même moi, quand je cherche un site, des fois, c'est .net, puis, tu sais, à la barre, je vais toujours mettre un .com. Ben oui, c'est ça. Tu l'essayes. Et enfin, oui. Le pire, c'est .qc.ca. Je maintiens ça. .qc.ca, c'est dur. C'est dur à avoir comme adresse. Room 11, First Time Again, à la France. Ouais. Et Lost Illusions, c'est le First Time Again de leur album. En fait, c'est un hippie de ce groupe canadien qui vient de Montréal au Québec. C'est un groupe de rock, comme ils aiment le dire. Allez voir le room11music.net ou encore myspace.com/room11music. Vous pouvez entendre ces deux pièces en stream sur leur MySpace. Les membres sont Robert Ogello à la voix et la guitare, Adnan Khalid à la guitare, Marc-André Nadeau à la bass et Danny Veillette à la batterie. La formation Room 11. Et voilà, c'est la fin de la chanson courante pour cette semaine, Danny. Oui, oui, c'était bien plaisant de passer ces deux heures avec toi, parce que moi, j'ai pas été là trois heures, j'ai plus été là une heure, trois quarts. Très belle émission aujourd'hui, comme toujours, n'est-ce pas? Coup de cœur de la semaine cette semaine, c'est la formation Zero Hertz avec leur album polyphonique. Donc, c'est eux qui ont le privilège de se retrouver. D'être le coureur de la semaine. C'est beau. Parce que t'as dit coup de cœur de la coup semaine. Coup de cœur, j'ai dit ça? Ouais, ben, c'était, oui, c'était laid. Moi qui déteste cette expression-là. Donc, voilà, ben, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo les jeudis matins et les mardis matins à midi. À La Chance au coureur en direct les vendredis à 10h, en rediffusion les jeudis à 13h et les palmarès c'est fou les vendredis soirs de 17h à 20h avec Cynthia Paquette-Grenier. Denis Janvier, E3, mercredi 15h. Oui, bien sûr, toujours au poste. Voilà. De la part de toute l'équipe fictive de Denis Janvier et de Mathieu Plante, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance.